C'est une situation qui est à Montréal. On aimerait ça que les policiers de Québec en donnent l'étiquette, là. Ce qui est pas, c'est peut-être que ça va venir, là. Plus de contraventions pour les cyclistes. Pourquoi? Ben, pour, il y a trois grosses problématiques, là. On parle, mais de toute façon, il y a 40% plus de tickets à Montréal en 2 ans. Mais c'est surtout qu'on respecte pas les feux de signalisation. Puis il y en a d'autres, là, comme un automobiliste qui ouvre sa portière, puis là, le cycliste rentre dans la portière. Il y a quand même eu plus de 60 accidents là-dessus, là. Mais c'est surtout le fait qu'on respecte pas les feux de signalisation. Mais quand tu vas à Montréal, là, les cyclistes, là, tes voies passées, ils sont déjà passés. Aucun respect pour les feux de circulation, aucun respect pour le code de la route. Ça donne bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'articles sur les vélos ces temps-ci. Mais il y en a un qui est pertinent, qui se rapporte vraiment à ça. C'est dans le Devoir à page 13. C'est une lettre qui fait quasiment le trois quarts de la page. C'est un nommé Elazar Gabé, qui est un travailleur de l'Internet et un entrepreneur. Il vit à Montréal. OK. Puis il ne plaint les faufounes des cyclistes qui désobéissent aux règles. Lui, il s'est fait scratcher son char. Ça lui a coûté des dommages, mais avec le déductible et tout ça, là, c'est sûr qu'il a dû mettre la main dans ses poches. Et il dit, il l'écrit en anglais, c'est dans la Gazette, « Le plus tu en donnes aux cyclistes à Montréal, le plus difficile et dangereux deviennent-ils. » Il n'y a pas de cohabitation à Montréal, concrète. Pourquoi? Parce que les vélos ne respectent pas les règles. That's it. Je suis allé porter mon enfant encore ce matin à l'école, pas loin de la station. C'est un quartier résidentiel. Il y a des stops. Font pas le stop. Ils veulent pas perdre leur élan. Fait qu'ils se donnent un élan. Il y a comme un faux plat, ça descend, c'est le fun. Quand il y a pas de char, c'est le fun. Quand t'as l'assurance que tu te feras pas frapper, c'est bien plaisant. Mais les cyclistes, trop de cyclistes, je veux pas généraliser parce qu'il y en a quand même qui respectent, là. Mais il y en a trop qui ne respectent pas. C'est ça le problème. Trop de cyclistes se pensent meilleurs que les autres. Trop de cyclistes jouent wannabe Lance Armstrong. Trop de cyclistes se comportent comme des enfoirés. Comme l'exemple, si on aime ça, on va remettre ça dessus, sur le nez, hein. Ah, oh, Moret, tu disais aux gens de klaxonner les vélos, jamais fait ça. Sauf l'hiver, quand c'est arrivé, que un cycliste transportait son enfant dans une carriole en pleine tempête de neige sur Grande Allée. Ça, c'est un comportement de connard. Mettait sa vie en danger, surtout la vie de son enfant en danger, et mettait la vie d'automobiliste en danger, parce que tentant de l'éviter, on est passé bien près de faire des accrochages. C'est donc, à un moment donné, au lieu d'avoir la réaction comme la madame de Vélo Québec dans la presse de ce matin, ça prend plus de place, ça prend plus de vélos, ça prend plus de ci pis de ça, s'ils étaient un lobby avec des positions moindrement équilibrées, ils devraient dire « mea culpa ». On a plus d'éducation à faire. Là, on a demandé des bixi. On a demandé plus de voies cyclables. Là, on est en mode demande depuis à peu près 10 ans. Là, on est en mode discipline. Là, les amis, si vous êtes pas capable de faire du vélo comme du monde, là, ben, prenez un char, vous faites du pouce, vous prenez l'autobus, that's it. Les lumières rouges, on arrête. Les lumières jaunes, on ralentit. Ça verte, on y va. Les breaks, on stop. That's it. Vous avez des breaks après vos poignets, là? Excellent. That's it, c'est tout. Je veux pas l'éradication des vélos. J'en fais du bicycle. Me suis acheté un bicycle sacrifice de 500$. Il y a 2 ans, faudrait que j'en fasse cette année. Qu'est-ce que t'en penses? Faudrait, parce que sinon tu rentabilises pas bien ton achat. Je te dis ça de même. Vélo avec des enfants. C'est-tu le fun de faire ça? J'ai rien contre les vélos. Mais à un moment donné, faut juste se dire, parfait. Vous voulez cohabiter? Respectez les règles. C'est ça, parce que elle, comme elle proposait, tu disais qu'elle voulait plus de place aux cyclistes, puis pour ça,